Les Odyssées de France Inter avec Pronote. Toute la vie scolaire en une seule appli. Pour les profs, les élèves et aussi leurs familles. Si tu te promènes un jour dans les salles du musée du Louvre, observe bien tous les chefs-d'œuvre. Regarde attentivement la Joconde ou cette imposante statue qu'on appelle la Victoire de Samothrace et dis-toi bien que toutes ces œuvres magnifiques ont bien failli disparaître. Heureusement, un homme s'est battu pour les protéger. Lorsque les situations deviennent difficiles, des personnalités se révèlent, l'histoire est remplie de héros inconnus, pourtant pleins de courage. En 1938, Jacques Jaujard est sous-directeur des musées nationaux et il est très inquiet. Depuis des mois, l'Europe traverse une très grave crise. L'Allemagne nazie étant partout son ombre menaçante, Adolf Hitler vient d'envahir l'Autriche, la Seconde Guerre mondiale approche, elle arrive en courant, en faisant de grands pas. Une nuit, Jacques n'arrive pas à trouver le sommeil. Il se promène seul dans les couloirs du musée du Louvre. En traversant le département des Antiquités, il s'arrête devant la sculpture du scribe accroupi. Il observe, amusé, son énigmatique et fascinant sourire. Ensuite, il traverse la grande galerie pour aller voir les peintures. Il reste debout pendant des heures devant les Noces de Cana, le fameux tableau de Paul Véronèse. Toutes ces œuvres sont infiniment précieuses, pense Jacques. Elles appartiennent à l'humanité tout entière. Si elles disparaissaient, ce serait une véritable catastrophe. Le sous-directeur a soudainement le cafard. Lorsque la guerre éclatera, que va-t-il arriver à tous ces chefs-d'œuvre? Quand les nazis entreront dans Paris, car ils vont envahir la France, c'est sûr! Quel sort vont-ils réserver au musée du Louvre? À voix haute, il poursuit sa réflexion. Hitler est un horrible personnage. Et puis ce n'est un secret pour personne. Il rêve de mettre la main sur les plus belles œuvres d'Europe. Les nazis ne vont pas se gêner. Ils vont vider le musée et envoyer tous nos chefs-d'œuvre en Allemagne. Nom de Dieu! Est-ce qu'il peut laisser un tel désastre se produire? Évidemment que non! Il ne peut pas. Au lever du jour, Jacques Jaujard prend une décision. Il va sauver le Louvre. Comment? Eh bien, il va évacuer les œuvres, tout simplement. Toutes celles qu'il pourra transporter, il les fera sortir les unes après les autres pour les mettre en lieu sûr. Sacré projet, n'est-ce pas? Jaujard est patient, tenace. Sur le papier, je suis d'accord, il a toutes les qualités pour réussir. Mais va-t-il y arriver? Le compte à rebours a commencé. Dans les sous-sols, pendant des mois, une centaine d'employés s'exercent secrètement à déménager les œuvres. C'est du jamais vu! Le 23 août 1939, la Russie s'allie avec l'Allemagne. Pétard, il n'y a plus une seule seconde à perdre! Jaujard enfile ses chaussettes porte-bonheur. Il fait fermer le musée. Le jour J est arrivé. À la tombée de la nuit, on retire les tableaux des murs. Ensuite, on emballe toutes les statues, les sarcophages, les poteries, les tapisseries, les vases, les stèles et les bijoux. Pour ne pas perdre la précieuse Joconde, on la marque de 3 pastilles rouges. Pour les conservateurs, c'est un code qui veut dire très, très, très important. En seulement 3 jours, on emballe près de 4000 chefs-d'œuvre. Ils prennent ensuite la poudre d'escampette, emportée par une centaine de camions, destination Chambord, un château situé à 160 km. Parce que les œuvres d'art aiment bien qu'on veille sur elles, plusieurs employés proposent de les accompagner. Par-ci, par-là, évidemment, il y a des petits couacs. Lorsque le radeau de la Méduse, une immense toile signée Théodore Géricault, passe par Versailles, le haut du tableau se prend dans les fils du tramway. Boum ! Panne générale, toute la ville est plongée dans le noir. Oups ! 10 jours plus tard, vient le tour de la somptueuse victoire de Samothrace. Mais, problème, pour sortir la statue du musée, il faut lui faire descendre le gigantesque escalier d'Areux. Il y a 53 marches et elle pèse près de 3 tonnes. Ah, bonjour la galère! Et puis, c'est un trésor. Si elle tombe et se brise, oh, je ne te raconte pas, c'est la catastrophe! C'est une scène tout simplement ahurissante. Grâce à un ingénieux système de cordage, la victoire se soulève du sol. Oh, mamma mia, ça y est, elle se balade dans les airs. Dans le silence le plus total, majestueusement, lentement, la statue descend l'escalier. Ouf, l'opération est réussie. À 15h, la victoire quitte le Louvre. Nous sommes le 3 septembre 1939. Au même moment exactement, la Seconde Guerre mondiale éclate. Après 10 mois de combat, hélas, la France capitule. Le 14 juin 1940, l'armée allemande envahit Paris. La moitié du pays est occupée. Les Français sont obligés de se soumettre aux lois de l'envahisseur. Au musée du Louvre, Jacques Jaujard reçoit un officier allemand très haut placé. Le comte Wolf Metternich. Sa mission, prendre le contrôle de tous les chefs-d'œuvre du pays. Les deux hommes commencent la visite réglementaire. Dans les salles des peintures, Metternich regarde les murs. Ils sont vides, vides, vides! L'officier allemand plisse les yeux. Il essuie ses lunettes. Pas un mot ne sort de sa bouche. Alors Jaujard prend les devants. Il joue carte sur table. Immédiatement, il dit qu'il a transporté les œuvres ailleurs pour les mettre à l'abri. L'officier esquisse un mini-sourire. Tiens, tiens, comme c'est étrange, on dirait qu'il est soulagé. Remarque Jaujard. Notre homme a de la chance. Metternich n'est pas un officier comme les autres. C'est un passionné, un amoureux de l'art. Pour protéger les tableaux, les sculptures et les antiquités, il serait prêt à tout. Même s'il le faut, à jouer contre son camp. Jaujard est sur les fesses. Il vient de gagner un allié. Ça, par exemple, c'est une excellente nouvelle. Oui, bon, c'est bien de se réjouir, mais il ne faut pas mollir. Maintenant que la menace nazie semble très légèrement et momentanément écartée, il faut préserver les œuvres des autres dangers. Je parle du feu, du chaud, du froid, de l'humidité, des pillages et, bien sûr, des bombardements. Jaujard réquisitionne 75 châteaux isolés dans le sud de la France, le plus loin possible des zones de pétarade. Pour la deuxième fois, les trésors du Louvre déménagent. C'est de la folie pure! Traverser le pays à ce moment-là, c'est extrêmement dangereux. Sur la route, les convois doivent éviter les obus et les coups de fusil. Les conservateurs, les gardiens et leurs familles les suivent à la trace. Ils sont sacrément courageux. le 29 septembre 1940, sur ordre express de l'Allemagne, le musée du Louvre rouvre ses portes. Aucune œuvre n'est revenue. Le soir de l'inauguration, les officiers allemands l'ignorent. Mais ils s'émerveillent devant de simples copies. Jaujard et Metternich échangent discrètement quelques clins d'œil. La complicité des deux hommes suffira-t-elle pour sauver nos plus grandes œuvres d'art ? Depuis la défaite de la France, le maréchal Pétain est à la tête de l'État, ou, disons, de ce qu'il en reste. Avec ses ministres, Pétain choisit d'aider les nazis. Ce que ces messieurs font n'est pas joli joli, cela s'appelle la collaboration. Pauvre Jaujard, il ne doit plus seulement combattre un ennemi extérieur, mais également les chefs de son propre pays. Les œuvres d'art, ça rapporte de l'argent. En temps de guerre, c'est extrêmement précieux. Un commando est spécialement créé par les nazis pour s'emparer des œuvres que les citoyens juifs, persécutés par Hitler, possèdent chez eux. Avant d'être expédié en Allemagne, le butin de guerre est rassemblé à deux pas du Louvre, dans un autre musée qui s'appelle le Jeu de Paume. C'est là que travaille Rose Vallant. Jaujard la connaît et lui fait entièrement confiance. À sa demande, tous les jours, elle note secrètement le numéro des œuvres qui quittent le pays. Ces listes sont extrêmement précieuses. Elles permettront de tout retrouver le moment venu. Le commando nazi vole des milliers d'œuvres. Parmi elles, il y a des tableaux signés Picasso, Dali ou Miro. Ce sont de grands artistes de l'époque. Leurs toiles sont magnifiques, audacieuses, révolutionnaires. Parce que les nazis ne les comprennent pas, ils les qualifient d'art dégénéré. Le 23 juillet 1943, une terrible catastrophe se produit. Les commandos du Jeu de Paume jettent 600 de ces sublimes toiles au centre d'un immense feu. En quelques heures, ces trésors de l'humanité disparaissent à tout jamais. Pour les œuvres du Louvre, ouille, ça ne va pas fort non plus. Depuis des mois, de hauts fonctionnaires allemands font pression sur Metternich. Ils réclament la saisie pure et simple de toutes les collections des musées français. Metternich tient bon, tant qu'il peut. Il finit par être renvoyé. N'empêche, aucune œuvre du Louvre n'a pour l'instant quitté le pays. Enfin, presque. Avec l'aide de l'État français, quelques peintures du musée tombent entre les mains ennemies. En 1944, c'est la statue de Sainte-Marie-Madeleine qui disparaît. Jaujard s'insurge contre le vol. Immédiatement, un ministre de Pétain lui répond. Je vous ferai rentrer sous terre. Vous comprenez ce que cela veut dire ? Nom de nom ! C'est un cauchemar ! Est-ce que ce chaos finira par s'arrêter un jour ? Alors que la situation semble diablement désespérée, Jaujard est contacté par un certain Mozart. Oh, mais non, voyons, pas le compositeur à perruque. Mozart est une espionne. Elle travaille pour la Résistance. La Résistance ? Oh, génial ! Ça veut dire que la France va bientôt être libérée. Pour aider ces hommes et ces femmes qui combattent secrètement l'envahisseur, Jaujard indique l'emplacement des châteaux qui abritent les précieuses œuvres du Louvre. Et en effet, ça vaut mieux. Les Anglais et les Américains bombardent la France pour neutraliser les nazis. Imagine un peu s'ils lâchent une bombe sur le château de Valençay où se trouve cette sublime statue qu'on appelle la Vénus de Mayo. Eux Non, de Milo. La Vénus de Milo. Pardon. Oh, je crois que j'ai un petit peu faim. Mais, enfin, bref. Le 24 août 1944, les troupes du général Leclerc, un grand résistant, entrent dans Paris. Youpi ! La ville est libérée ! Jaujard est fou de joie. Tout de suite, il fait hisser le drapeau français sur les toits du Louvre. Ce n'est pas évident à cause des tirs qui fusent dans tous les sens, mais quand même, il flotte. Le 8 mai 1945, l'Allemagne rend les armes. Quelques mois plus tard, la Seconde Guerre mondiale est officiellement terminée. Les précieux trésors du Louvre peuvent rentrer au musée. Ce n'est pas si facile et ça prend du temps, à peu près 4 années. Jacques Jaujard, Rose Vallant, Wolf Metternich et les employés du Louvre ont rendu un fier service à l'humanité. Ils se sont battus bec et ongles pour préserver ces trésors. Les œuvres d'art, tu sais, sont comme nous. Elles ont besoin d'attention, de soins et de protection. Peut-être qu'un jour, toi aussi, tu deviendras un grand protecteur des arts. Et alors, crois-moi, oh, tu pourras être sacrément fier. Les Odyssées du Louvre est un podcast original de France Inter et du Musée du Louvre. À la fin de la guerre, Rose Vallant a continué ses aventures. Avec d'autres, elle est allée en Allemagne pour récupérer les œuvres volées par les nazis. 61 000 objets d'art sont ainsi rentrés en France, dont 45 000 ont pu être rendus aux familles juives auxquelles ils appartenaient. Quant aux autres, ils ont été conservés dans plusieurs endroits, parmi lesquels le Louvre. En 2017, le musée a ouvert 2 salles au second étage de l'aile Richelieu pour présenter au public 31 de ces tableaux récupérés en Allemagne, en attendant évidemment de retrouver leurs propriétaires. Ces toiles sont frappées du sceau MNR, qui signifie Musées Nationaux Récupération.